et on s'était froissé comme deux lignes de poésie écrites sans réfléchir. Et je ne voyais pas encore que tu étais si belle. La cheminée est blanche et il fait noir dehors. Le feu ressemble à un miroir et je ne vois que moi dedans. Je suis venu un soir de pluie te demander les clés de ta porte qui étaient entrebâillées pourtant. La cheminée est blanche, il fait noir dehors. Le feu ressemble à un miroir et je ne vois que moi dedans. Tu sais si bien manier la vie des heures qui passent, et même quand tu n'y crois plus, tu ne restes immobile. Par peur de t'enliser et d'être encore la proie de toute cette mécanique qui est le temps qui passe. La cheminée est blanche et il fait noir dehors. Le feu ressemble à un miroir et je ne vois que moi dedans. Je voudrais te donner des oiseaux, des châteaux pour ce repos que tu me donnes. Pour ce repos que tu me donnes. Mais je n'ai pas grand-chose que ma guitare pour te faire rêver, que mes mains pour te caresser, et que mes mains pour te caresser. Et tu pourras venir un jour d'hiver, un soir d'été, me demander la clé de ma porte pour t'aimer. La cheminée est blanche et il fait jour dehors. Le feu ressemble à un miroir et je te vois enfin dedans.